La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le jeudi 15 octobre, au théâtre des Champs-Élysées, les danseurs, chanteurs et comédiens de Paris ont donné une représentation de Psyché, d'après Jean de La Fontaine, tragicomédie-ballet de Molière, avec la collaboration de Pierre Corneille et de Quinault, musique de Jean-Baptiste Lully, que vous allez entendre dans un découpage radiophonique avec la distribution suivante. Psyché, Françoise Spira. Vénus, Jacqueline Morane. Aglaure, Martine Mallet. Sidipe, Monique Drac. Égial, Lucienne Lasnier. Faène, Annie Callière. L'amour, Michel Herbeau. Cléomène, Alain MacMoy. Agénor, Robert Postec. Jupiter, Jean Ozen. Lycas, le dieu du fleuve, Alain Carrel. Zéphyr, Jean Negroni. L'amour enfant, Jean-Jacques Sandras. Pour la partie chantée, Paul Leonetti, Charlotte Desmazures, Colette Levray, Victor Delafosse, Nicolas Agroff, Vladimir Douchkin. Direction des chanteurs, Jean Levray. Ensemble orchestral de Paris, sous la direction de Louis Solstès. Chorégraphie, Paul Goubet. Décor et costume, Jacques Noël. Mise en scène, Jean Negroni. Le débat de la Tribune libre de théâtre et université réunira aujourd'hui autour de M. Paul Perronnet, M. Jacques Chaillet, professeur à la Sorbonne, M. Étienne Fuselier, professeur agrégé des lettres, M. Jean Negroni, metteur en scène du spectacle, et M. Michel Philippe, élève de première supérieure au lycée Louis-le-Grand, Mlle Guillemette de Véricourt et Marthe de Rohan-Chabot, élève de première supérieure au lycée Fénelon. Voici d'abord un avant-propos de Marcel Conrad. L'histoire et les aventures de Psyché nous ont été données par les philosophes, et c'est à l'aide de ces flammes inquiètes et un peu folles que les auteurs les plus célèbres du grand siècle ont allumé leurs lampions et leurs girandoles. L'occasion nous est offerte de faire profiter notre auditoire scolaire et studieux des échos lointains de ces fêtes passées et aussi de leurs éclats empruntés. C'est à Jean Negroni et à ses fidèles compagnons que nous le devons. Ils n'ont pas eu, bien sûr, la dépense aussi large que Louis XIV, leur décor, leur costume, pour agréables qu'ils soient, et justes, et étonnants aussi, ne rempliraient point le cadre des plaisirs de l'île enchantée. Mais ils sont mieux que cela, ils marquent un effort fourni en commun pour servir une œuvre imposante, et ils sont une réussite d'évocation et de discrétion à la fois qui a su plaire à notre public d'écoliers. C'est donc Amour et Psyché que vous allez entendre. Vous oublierez sans doute qu'ils sont les yeux de l'homme et de sa peine sur la terre. Mais le symbole léger et précis vous entraînera quand même, avec son mélange de tragédie, de comédie, avec ses intermèdes de balais et de larmes, de malheurs divins et de bonheurs éplorés, avec la haute voix de Corneille vieillissant et la musique insouciante et triste des violons de Lully. Molière aussi est de la fête, mais le retrouverez-vous autrement que dans l'armature du drame et dans quelques touches inévitables. Ainsi, au problème de la tragicomédie-ballet, dotée de musique, d'opéra, de chants et de chœurs, se trouve adjoint le problème de la multiplicité des auteurs, et quels auteurs ? Quelques jours de préparation et une œuvre lourde et pesante, à l'écriture rapide, prenaient place sur une scène spécialement aménagée pour elle. Des heures et des lampas, des festons et des luminaires, tout au fond une ville entière à l'ombre des tours d'un port gigantesque. Et tout le drame se joue sur un rythme inégalé dans la magnificence et l'exaltation d'une époque heureuse. Nous vous souhaitons aujourd'hui de bien saisir ces éléments dans la Psyché mise en scène par Jean Negroni avec toute la simplicité requise par notre siècle. Le côté éminemment spectaculaire de son travail va vous échapper si vous ne faites effort vers la magnificence et l'éclat du décor et du costume qui ajoutent au texte musical et au texte parlé la magie des formes et des couleurs. Dans un lieu champêtre, paraît Flore accompagnée de Vertone, dieu des arbres et des fruits, et de Palémon, dieu des eaux. Ils conduisent une troupe de divinités, l'un des dryades et des sylvains, l'autre des fleuves et des naïades. Flore chante un récit pour inviter Vénus à descendre sur terre. Les divinités dansent et mêlent leur voix à celle de Flore. Enfin, accompagnée de son fils, l'amour, et par les grâces Égial et Faène, Vénus paraît. Mais la déesse ordonne aux divinités joyeuses de taire leur bonheur. Vénus leur dit toute sa colère. Elle a une rivale, une toute jeune fille, une mortelle, qu'on ose prétendre plus belle qu'elle-même. Le règne de Vénus va-t-il finir? Non. Vénus ordonne à son fils l'amour de percer le cœur de Psyché d'un trait qui la rendra amoureuse du plus vil et du plus affreux des mortels. Tel est le supplice qu'elle réserve à sa rivale. Puis la scène change et découvre la cour intérieure du palais du roi où se promènent les deux sœurs de Psyché, Aglaure et Cydippe. Aigries, dévorées de jalousie, les deux femmes dénigrent leurs sœurs et comparent et vantent leur propre charme. Ma sœur, faites-moi la grâce de me parler franchement. Suis-je faite d'un air à votre jugement que mon mérite ancien doive céder la place? Et dans quel cas justement trouvez-vous qu'elle m'efface? Qui? Vous, ma sœur? Nullement. Hier à la chasse, près d'elle, je vous regardais longtemps. Et, sans vous donner d'encens, vous me parûtes plus belle. Mais moi, dites, ma sœur, sans me vouloir flatter, sont-ce des visions que je me mets en tête quand je me crois taillée à pouvoir mériter la gloire de quelques conquêtes? Vous, ma sœur? Vous avez, sans nul déguisement, tout ce qui peut causer une amoureuse flamme. Vos moindres actions brillent d'un agrément dont je me sens touchée l'âme. Et je serai votre amant si j'étais autre que femme. D'où vient donc qu'on la voit l'emporter sur nous deux? Qu'à ses premiers regards, les cœurs rendent les armes. Et que donc un tribut de soupirs et de vœux, on ne fait honneur à nos charmes. Toutes les dames d'une voix trouvent ses attraits peu de choses. Et du nombre d'amants qu'elle tient sous ses lois, ma sœur, j'ai découvert la cause. Et pour moi, je la devine. Et l'on doit présumer qu'il faut que là-dessous soit caché du mystère. Ce secret de tout enflammer n'est pas de la nature un effet ordinaire. L'art de la Thessalie entre dans cette affaire. Et quelques mains assez sans doute lui former un charme pour se faire aimer. Sur un plus fort appui, ma croyance se fonde. Et le charme qu'elle a pour attirer les cœurs, c'est un air en tout temps désarmé de rigueur, des regards caressants que la bouche seconde, un sourire chargé de douceur qui tend les bras à tout le monde et ne vous promet que faveur. Notre gloire n'est plus aujourd'hui conservée. Et l'on n'est plus autant de ces nobles fiertés qui, par un digne essai d'illustre cruauté, voulaient voir d'un amant la constance éprouvée. De tout ce noble orgueil qui nous seyait si bien, on est bien descendu dans le siècle où nous sommes. Et l'on en est réduit à n'espérer plus rien, à moins que l'on se jette à la tête des hommes. Oui, voilà le secret de l'affaire. Et je vois que vous les prenez mieux que moi. C'est pour nous attacher à trop de bienséance qu'aucun amant, ma sœur, à nous ne veut venir. Et nous voulons trop soutenir l'honneur de notre sexe et de notre naissance. Les hommes, maintenant, aiment ce qui leur rit. L'espoir, plus que l'amour, est ce qui les attire. Et c'est par là que Psyché nous ravit tous ces amants qu'on voit sous son empire. Suivons. Suivons l'exemple. Ajustons-nous au temps. Abaissons-nous, ma sœur, à faire des avances. Et ne ménageons plus de tristes bienséances qui nous ôtent le fruit du plus beau de nos ans. J'approuve la pensée. Et nous avons matière d'en faire l'épreuve première aux deux princes qui sont les derniers arrivés. Ils sont charmants, ma sœur, et leur personne entière me... Oh, les avez-vous observés? Ah, ma sœur, ils sont faits tous deux d'une manière que mon âme. Ce sont deux princes achevés. Je trouve qu'on pourrait rechercher leur tendresse sans se faire des honneurs. Je trouve que sans honte, une belle princesse leur pourrait donner son cœur. Les voici tous deux, et j'admire leur air et leur ajustement. Ils ne démentent nullement tout ce que nous venons de dire. D'où vient, prince? D'où vient que vous fuyez ainsi? Prenez-vous l'épouvante en nous voyant paraître? On nous faisait croire qu'ici la princesse Psyché, madame, pourrait être. Oh, tous ces lieux n'ont-ils rien d'agréable pour vous si vous ne les voyez ornés de sa présence? Ces lieux peuvent avoir des charmes assez doux, mais nous cherchons Psyché dans notre impatience. Quelque chose de bien pressant vous dois à la chercher pousser tous deux sans doute. Le motif est assez puissant, puisque notre fortune, enfin, en dépend tout. Ce serait trop à nous que de nous informer du secret que ces mots nous peuvent enfermer. Nous ne prétendons point en faire de mystère, aussi bien malgré nous paraîtrait-il au jour. Et le secret ne dure guère, madame, quand c'est de l'amour. Sans aller plus avant, prince, cela veut dire que vous aimez Psyché, tous deux? Tous deux soumis à son empire, nous allons de concert lui découvrir nos feux. C'est une nouveauté sans doute assez bizarre que deux rivaux si bien unis. Il est vrai que la chose est rare, mais non pas impossible à de parfaits amis. Est-ce que dans ces lieux il n'est qu'elle de peine? Et n'y trouvez-vous pas à séparer vos feux? Parmi l'éclat du sang, vos yeux n'ont-ils vu qu'elle à pouvoir mériter vos feux? Est-ce que l'on consulte au moment qu'on s'enflamme? Choisit-on qui l'on veut aimer? Et pour donner toute son âme, regarde-t-on quel droit on a de nous charmer? Sans qu'on ait le pouvoir d'élire, on suit dans une telle ardeur quelque chose qui nous attire. Et lorsque l'amour touche un cœur, on n'a point de raisons à dire. En vérité, je plains les fâcheux embarras où je vois que vos cœurs se mettent. Vous aimez un objet dont les riants appâts mêleront des chagrins à l'espoir qu'il vous jette, et son cœur ne vous tiendra pas tout ce que ses yeux vous promettent. L'espoir qui vous appelle au rang de ses amants trouvera du mécompte aux douceurs qu'elle étale. Et c'est pour essuyer de très fâcheux moments que les soudains retours de son âme inégale. Un clair discernement de ce que vous valez nous fait plaindre le sort où cet amour vous guide. Et vous pouvez trouver tous deux, si vous voulez, avec autant d'attrait, une âme plus solide. Par un choix plus doux de moitié, vous pouvez de l'amour sauver votre amitié. Et l'on voit en vous deux un mérite si rare qu'un tendre avis veut bien prévenir, par pitié, ce que votre cœur se prépare. Cet avis généreux fait pour nous éclater des bontés qui nous touchent l'âme. Mais le ciel nous réduit à ce malheur, madame, de ne pouvoir en profiter. Votre illustre pitié veut en vain nous distraire d'un amour dont tous deux nous redoutons les faits. Ce que notre amitié, madame, n'a pas fait, il n'est rien qui le puisse faire. Il faut que le pouvoir de Psyché... La voici! Venez jouir, ma sœur! Se dispose. Du sujet qu'il était si rêveur parmi nous, je ne me croyais point à la cause. Et j'aurais cru toute autre chose en les voyant parler à vous. N'ayant ni beauté, ni naissance à pouvoir mériter leur amour et leurs soins, ils nous favorisent au moins de l'honneur de la confidence. L'aveu qu'il nous faut faire à vos divins appâts est sans doute, madame, un aveu téméraire. Mais tant de cœurs près du trépas sont par de tels aveux forcés à vous déplaire que vous êtes réduite à ne les punir pas des foudres de votre colère. Vous voyez en nous deux amis qu'un doux rapport d'humeur sut joindre dès l'enfance. Et ces tendres liens se sont vus affermis par cent combats d'estime et de reconnaissance. Du destin ennemi, les assauts rigoureux, les mépris de la mort et l'aspect des supplices, par d'illustres éclats de mutuels offices, ont de notre amitié signalé les beaux nœuds. Mais à quelques essais qu'elle se soit trouvée, son grand triomphe est en ce jour. Et rien ne fait en voir sa constance éprouvée que de se conserver au milieu de l'amour. Oui, malgré tant d'appât, son illustre constance aux lois qu'elle nous fait a soumis tous nos voeux. Elle vient d'une douce et pleine déférence remettre à votre choix le succès de nos feux. Et pour donner un poids à notre concurrence, qui des raisons d'état entraîne la balance sur le choix de l'un de nous deux, cette même amitié s'offre sans répugnance d'unir nos deux états au sort du plus heureux. Oui, de ces deux états que sous votre heureux choix nous nous offrons d'unir, nous voulons faire à notre flamme un secours pour vous obtenir. Ce que pour ce bonheur près du roi votre père, nous nous sacrifions tous deux, n'a rien de difficile à nos cœurs amoureux. Et c'est au plus heureux faire un don nécessaire d'un pouvoir dont le malheureux madame n'aura plus à faire. Que vous m'offrez, prince, montre à mes yeux de quoi remplir les vœux de l'âme la plus fière. Et vous me le parez tous deux, d'une manière qu'on ne peut rien offrir qui soit plus précieux. Vos feux, votre amitié, votre vertu suprême, tout me relève en vous l'offre de votre foi. Et j'y vois un mérite à s'opposer lui-même à ce que vous voulez de moi. Ce n'est pas à mon cœur qu'il faut que je défère pour entrer sous de tels liens. Ma main, pour se donner, attend l'ordre d'un père. Et mes sœurs ont des droits qui vont devant les miens. Mais si l'on me rendait sur mes vœux absolus, vous y pourriez avoir trop de part à la fin. Et toute mon estime, entre vous suspendue, ne pourrait sur aucun laisser tomber mon choix. À l'ardeur de votre poursuite, je répondrai assez de mes vœux les plus doux. Mais c'est parmi tant de mérites, trop que deux cœurs pour moi, trop peu qu'un cœur pour vous. De mes plus doux souhaits, j'aurai l'âme gênée à l'effort de votre amitié, et j'y vois l'un de vous prendre une destinée à me faire trop de pitié. Oui, prince, à tous ceux dont l'amour suit le vôtre, je vous préférerai tous deux avec ardeur. Mais je n'aurai jamais le cœur de pouvoir préférer l'un de vous deux à l'autre. À celui que je choisirais, ma tendresse ferait un trop grand sacrifice, et je m'imputerais à barbare injustice le tort qu'à l'autre je ferais. Oui, tous deux, vous brillez de trop de grandeur d'âme pour en faire aucun malheureux. Et vous devez chercher dans l'amoureuse flamme le moyen d'être heureux tous deux. Si votre cœur me considère assez pour me souffrir de disposer de vous, j'ai deux sœurs capables de plaire qui peuvent bien vous faire un destin assez doux. Et l'amitié me rend leur personne assez chère pour vous souhaiter leur époux. Un cœur dont l'amour est extrême peut-il bien consentir, hélas, d'être donné par ceux qu'il aime? Sur nos deux cœurs, madame, à vos divins appas, nous donnons un pouvoir suprême. Disposez-en pour le trépas, mais pour une autre que vous-même, ayez cette bonté de n'en disposer pas. Oh, princesse, madame, on ferait trop d'outrage. Et c'est pour leurs attraits un indigne partage que les restes d'une autre ardeur. Il faut d'un premier feu la pureté fidèle pour aspirer à ce bonheur où votre bonté nous appelle, et chacune mérite un cœur qui n'est soupiré que pour elle. Il me semble, sans nul courroux, qu'avant que de vous en défendre, prince, vous deviez bien attendre qu'on se fût expliqué sur vous. Nous croyez-vous un cœur si facile et si tendre, et lorsqu'on parle ici de vous donner à nous, savez-vous si l'on veut vous prendre? Je pense que l'on a d'assez hauts sentiments pour refuser un cœur qu'il faut qu'on sollicite. Et l'on ne devait devoir qu'à son propre mérite la conquête de ses amants. J'ai cru pour vous, mes sœurs, une gloire assez grande si la possession de mérite si haut. Oh, madame, qu'as-tu? Le roi, quoi, vous demande. De ce trouble si grand, que faut-il que j'attende? Je le saurai que trop tôt. Hélas, que pour le roi tu me donnes à craindre. Ne craignez que pour vous. C'est vous que l'on doit plaindre. C'est pour louer le ciel et me voir hors d'effroi de savoir que je n'ai à craindre que pour moi. Mais apprends-moi, Lycas, le sujet qui te touche. Souffrez que j'obéisse à qui m'envoie ici, madame, et qu'on vous laisse apprendre de sa bouche ce qui peut m'affliger ainsi. Allons savoir sur quoi l'on craint tant ma faiblesse. Pas jusqu'à nous étendus. Dis-nous quel grand malheur nous couvre ta tristesse. Hélas, ce grand malheur dans la cour répandue, voyez-le vous-même, princesse, dans l'oracle qu'au roi les destins ont rendu. Voici ses propres mots, que la douleur, madame, a gravés au fond de mon âme. Que l'on ne pense nullement à vouloir de Psyché conclure l'Hyménée, mais qu'au sommet d'un mont, elle soit promptement en pompe funèbre menée, et que de tous abandonnés pour époux, elle attend dans ces lieux constamment un monstre dont on a la vue empoisonnée, un serpent qui répand son venin en tout lieu et trouble dans sa rage et la terre et les cieux. Après un arrêt si sévère, je vous quitte et vous laisse à juger entre vous si par de plus cruels et plus sensibles coups tous les dieux nous pouvaient expliquer leur colère. Sentez-vous à ce soudain malheur où nous voyons Psyché par les destins plongés? Mais vous, que sentez-vous, ma sœur? À ne vous point mentir, je sens que dans mon cœur, je n'en suis pas trop affligée. Moi, je sens quelque chose au mien qui ressemble assez à la joie. Allons, le destin nous envoie un mal que nous pouvons regarder comme un bien. La scène est changée en un désert borné par des rochers affreux. C'est dans ce lieu que Psyché doit être exposée pour obéir à l'oracle. Une troupe de personnes affligées y vient déplorer sa disgrâce. Dans le désert affreux, le roi qui se lamente mène cependant Psyché, sa fille, au lieu dit par l'oracle. Hypocritement, ses deux sœurs feignent de plaindre son sort, mais la naïve Psyché ne voit pas leur méchanceté, et quand Cléomène et Agénor, les deux preux chevaliers, viennent mettre leur ardeur, leur épée et leur amour à ses genoux, elle refuse ce sacrifice et leur demande d'aller offrir leur flamme à ses sœurs. Mais le dieu amour s'est épris de la belle Psyché, et malgré les ordres de Vénus, sa mère, il décide de désobéir. Il voue à la mort ses rivaux et ordonne à Vulcain de construire sur le champ un palais somptueux qu'il destine à Psyché. La scène se change alors en une cour magnifique, ornée de colonnes de lapis, enrichie de figures d'or, et c'est là que Zéphyr, le serviteur zélé du dieu, a conduit Psyché. Où suis-je ? Et dans un lieu que je croyais barbare, quelle savante main a bâti ce palais, que là, que la nature part de l'assemblage le plus rare que l'œil puisse admirer jamais. Tout brille, tout éclate dans ces jardins, dans ces appartements dont les pompeux ameublements n'ont rien qui l'enchante et le flatte. Et de quelque côté que tournent mes frayères, je ne vois sous mes yeux que de l'or ou des fleurs. Le ciel aurait-il fait cet amas de merveilles pour la demeure d'un serpent? Ou lorsque par leur vue il amuse et suspend de mon destin jaloux les rigueurs sans pareil, veut-il montrer qu'il s'en repent? Non, non, c'est de sa haine en cruauté féconde, le plus noir, le plus rude trait, qui, par une rigueur nouvelle et sans seconde, n'étale ce choix qu'elle a fait de ce qu'a de plus beau le monde. Qu'a fait que je le quitte avec plus de regret? Que mon espoir est ridicule s'il croit par là soulager mes douleurs. Tout autant de moments que ma mort se recule sont autant de nouveaux malheurs. Plus elle tarde et plus de fois je meurs. Ne me fais plus languir. Viens prendre ta victime, monstre qui doit me déchirer. Veux-tu que je te cherche? Et faut-il que j'anime tes fureurs à me dévorer? Si le ciel veut ma mort, si ma vie est un crime de ce peu qui m'en reste, ose enfin t'emparer. Je suis lasse de murmurer contre un châtiment légitime. Je suis lasse de soupirer. Viens que j'achève d'expirer. Le voilà, ce serpent. Ce monstre impitoyable qu'un oracle étonnant pour vous a préparé, et qui n'est pas peut-être à tel point effroyable que vous voulez être figuré. Dont l'oracle a menacé mes tristes jours. Vous, qui semblez plutôt un dieu qui par miracle daigne venir lui-même à mon secours. Quel besoin de secours! Au milieu d'un empire, tout ce qui respire n'attend que vos regards pour en prendre la loi. Vous n'avez à craindre autre monstre que moi. Un monstre tel que vous inspire peu de crainte, et que s'il a quelque poison, une âme aurait peu de raison de hasarder la moindre plainte contre une favorable atteinte, dont tout le cœur craindrait la guérison. À peine je vous vois, que mes frayeurs cessent et laissent évanouir l'image du trépas, et que je sens couler dans mes veines glacées un je ne sais quel feu que je ne connais pas. J'ai senti de l'estime et de la complaisance, de l'amitié, de la reconnaissance, de la compassion. Les chagrins innocents m'en ont fait sentir la puissance. Mais je n'ai point encore senti ce que je sens. Je ne sais ce que c'est. Mais je sais qu'il me charme, que je n'en conçois point d'alarme. Plus j'ai les yeux sur vous, plus je m'en sens charmée. Tout ce que j'ai senti n'agissait point de même. Et je dirais que je vous aime, Seigneur, si je savais ce que c'est que d'aimer. Ne les détournez point, ces yeux qui m'empoisonnent, ces yeux tendres, ces yeux perçants, mais amoureux qui semblent partager le trouble qu'ils me donnent. Hélas, plus ils sont dangereux, plus je me plais à m'attacher sur eux. Par quel ordre du ciel que je ne puis comprendre, vous dis-je plus que je ne dois, moi de qui la pudeur devrait du moins attendre que vous m'expliquassiez le trouble où je vous vois. Vous soupirez, Seigneur, ainsi que je soupire. Vos sens comme les miens paraissent interdits. C'est à moi de m'en taire, à vous de me le dire. Et cependant, c'est moi qui vous le dis. Vous avez eu, Psyché, l'âme toujours si dure, qu'il ne faut pas vous étonner si pour en réparer l'injure, l'amour en ce moment se paye avec usure de ce qu'elle a dû lui donner. Le moment est venu qu'il faut que votre bouche exhale des soupirs si longtemps retenus, et qu'en vous arrachant à cette humeur farouche, un amas de transport aussi doux qu'inconnu, aussi sensiblement tout à la fois vous touche. Ils ont dû vous toucher durant tant de beaux jours dont cette âme insensible a profané le coup. N'aimez point, c'est donc un grand crime. En souffrez-vous un rude châtiment? C'est punir assez doucement. C'est lui choisir sa peine légitime et se faire justice en ce glorieux jour d'un manquement d'amour par un excès d'amour. Que n'ai-je été plutôt puni? Lui met le bonheur de ma vie. Je devrais en rougir ou le dire plus bas, mais le supplice a trop d'affaire. Permettez que tout haut, je le dis et redis, je le dirai 100 fois et n'en rougirai pas. Ce n'est point moi qui parle. Et de votre présence, l'empire surprenant, l'aimable violence, dès que je veux parler, s'empare de ma voix. C'est en vain qu'en secret ma pudeur son offense, que le sexe et la bienséance osent me faire d'autres lois. Vos yeux de ma réponse eux-mêmes font le choix. Et ma bouche asservie à leur toute puissance ne me consulte plus sur ce que je me dois. Croyez, belle Psyché, croyez ce qu'ils vous disent, ces yeux qui ne sont point jaloux, qu'à l'envie les vôtres m'instruisent de tout ce qui se passe en vous. Croyez en ce cœur qui soupire, et qui, tant que le vôtre y voudra repartir, vous dira bien plus d'un soupir que 100 regards ne peuvent dire. C'est le langage le plus doux, c'est le plus fort, c'est le plus sûr de tous. L'intelligence en était due à nos cœurs pour les rendre également contents. J'ai soupiré, vous m'avez entendu. Vous soupirez, je vous entends. Mais ne me laissez plus un doute, Seigneur. Et dites-moi si par la même route après moi, le zéphyr ici vous a rendu pour me dire ce que j'écoute. Quand j'y suis arrivée, tu vous attendu? Et quand vous lui parlez, êtes-vous entendu? J'ai dans ce doux climat un souverain empire, comme vous l'avez sur mon cœur. L'amour m'est favorable, et c'est en sa faveur qu'à mes ordres Éole l'a soumis le zéphyr. C'est l'amour qui, pour voir mes feux récompensés, lui-même a dicté cet oracle, par qui vos beaux jours menacés d'une foule d'amants se sont débarrassés, et qui m'a délivré de l'éternel obstacle de tant de soupirs empressés qui ne méritait pas de vous être adressé. Ne me demandez point quelle est cette province, ni le nom de son prince, vous le saurez quand il en sera temps. Je veux vous acquérir, mais c'est par mes services, par des soins assidus et par des vœux constants, par les amoureux sacrifices de tout ce que je suis, de tout ce que je puis, sans que l'éclat du rang pour moi vous sollicite, sans que de mon pouvoir je me fasse un mérite. Et bien que souverain dans cet heureux séjour, je ne vous veux, Psyché, de voir qu'à mon amour. Venez en admirer avec moi les merveilles, princesse. Et préparez vos yeux et vos oreilles à ce qu'il a d'enchantement. Vous y verrez les bois et les prairies, contestés sur leurs agréments avec l'or et les pierreries. Vous n'entendrez que des concerts charmants. De 100 beautés, vous y serez servis, qui vous adoreront sans vous porter envie, et prégront à tout moment d'une âme soumise et ravie l'honneur de vos commandements. Mes volontés suivent les vôtres, je n'en saurais plus avoir d'autres. Mais votre oracle, enfin, vient de me séparer de deux sœurs, et du roi mon père que mon trépas imaginaire réduit tous trois à me pleurer. Pour dissiper l'erreur dont leur âme accablée de mortels déplaisirs se voit pour moi comblée, souffrez que mes sœurs soient témoins de ma gloire et de vos soins. Prêtez-leur comme à moi les ailes de Zéphyr, qui leur puissent de votre empire ainsi qu'à moi faciliter l'accès. Faites-leur voir en quel lieu je respire. Faites-leur de ma perte admirer le succès. Vous ne me donnez pas, Psyché, toute votre âme. Ce tendre souvenir d'un père et de deux sœurs me vole une part des douceurs que je veux toutes pour ma flamme. N'ayez Dieu que pour moi qui n'en ai que pour vous. Ne songez qu'à m'aimer, ne songez qu'à me plaire. Et quand de tels soucis osent vous en distraire... De tendresse du sang, peut-on être jaloux? Je le suis, ma Psyché, de toute la nature. Les rayons du soleil vous baissent trop souvent. Vos cheveux souffrent trop les caresses du vent. Dès qu'il les flatte, j'en murmure. L'air même que vous respirez avec trop de plaisir passe par votre bouche. Votre habit de trop près vous touche. Et sitôt que vous soupirez, je ne sais quoi qui m'effarouche, crains parmi vos soupirs des soupirs égarés. Mais vous voulez vos sœurs. Allez, partez, Zéphyr! J'ai le vœu. Je ne l'en puis dédire. Quand vous leur ferez voir ce bienheureux séjour de ces trésors, faites-leur sans largesse. Prodiguez-leur caresse sur caresse. Et du sang, s'il se peut, épuisez les tendresses pour vous rendre tout à l'amour. Je n'y mêlerai point d'apporter une présence, mais ne leur faites point de si longs entretiens. Vous ne sauriez pour eux avoir de complaisance que vous ne dérobiez au mien. Votre amour me fait une grâce dont je n'abuserai jamais. Allons voir cependant ces jardins, ce palais, où vous ne verrez rien que votre éclat néfaste. Et vous, petits amours, et vous, jeunes Zéphyrs, qui pourra me laver que de tendres soupirs, montrez tous à l'envie ce qu'a voir ma princesse. Vous avez senti d'allégresse. Deux amants, les amours et les zéphyrs dansent et chantent. Zéphyr avait conduit au palais les deux sœurs de Psyché. La vue de tant d'or et de tant d'amour a encore aigri la jalousie d'Aglaure et de Cydippe. Mais le moment est venu pour elles de revenir sur terre, et Psyché s'en vient faire ses adieux. Je viens vous dire adieu. Mon amant vous renvoie et ne saurait plus endurer que vous lui retranchiez un moment de la joie qu'il prend de se voir seul à me considérer. Dans un simple regard, dans la moindre parole, son amour trouve des douceurs qu'en faveur du sang je lui vole quand je les partage à des sœurs. La jalousie est assez fine, et ses délicats sentiments méritent bien qu'on s'imagine que celui qui, pour vous, a ses empressements passe le commun des amants. Je vous en parle ainsi, faute de le connaître. Vous ignorez son nom et ceux dont il tient lettre. Nos esprits en sont alarmés. Je le tiens un grand prince et d'un pouvoir suprême bien au-delà du diadème. Ses trésors sous vos pas confusément semés ont de quoi faire honte à l'abondance même. Vous l'aimez autant qu'il vous aime. Il vous charme et vous le charmez. Votre félicité, ma sœur, serait extrême si vous saviez qui vous aimez. Que m'importe, j'en suis aimée. Plus il me voit, plus je lui plais. Il n'est pas de plaisir dont l'âme soit charmée qui ne prévienne mes souhaits. Et je vois mal de quoi la vôtre est alarmée quand tout me sert dans ce palais. Qu'importe! Qui sait où vous sert si toujours cet amant vous cache ce qu'il est? Nous ne vous alarmons que pour votre intérêt. En vain tout vous y rit. En vain tout vous y plaît. Le véritable amour ne fait pas de réserve. Et qui s'obstine à se cacher sans quelque chose en soi qu'on lui peut reprocher? Si cet amant devient volage. Car souvent en amour, le change est assez doux. Et j'ose le dire entre nous. Pour grand que soit l'éclat dont brille ce visage, il n'en peut être ailleurs d'aussi belle que vous. Si, dis-je, un autre amant sous d'autres lois l'engage, si dans l'état où je vous vois seul en ses mains et sans défense, il va jusqu'à la violence, sur qui vous vengera le roi ou de ce changement ou de cette insolence? Ma sœur, vous me faites trembler. Juste ciel, pourrais-je être assez infortunée? Que sait-on si déjà les liens de l'hymen? N'achevez pas, ce serait m'accabler. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Ce prince qui vous aime et qui commande au vent, qui nous donne pour char les ailes du zéphyr et de nouveaux plaisirs vous comble à tout moment, quand il rompt à vos yeux l'ordre de la nature, peut-être à tant d'amour mêle un peu d'imposture. Peut-être ce palais n'est qu'un enchantement. Et ces lambris dorés, ces amas de richesses dont il achète vos tendresses, dès qu'il sera lassé de souffrir vos caresses, disparaîtront en un moment. Vous savez comme nous ce que peuvent les charmes. Que je sens à mon tour de cruelles alarmes. Notre amitié ne veut que votre bien. Adieu, mes sœurs, finissons l'entretien. J'aime et je crains qu'on ait s'impatiente. Partez. Et demain, si je puis, vous me verrez où plus contente. Ou dans l'accablement des plus mortels ennuis. Nous allons dire au roi quelle nouvelle gloire, quel excès de bonheur le ciel répand sur vous. Nous allons lui conter d'un changement si doux la surprenante et merveilleuse histoire. N'y inquiétez pas, ma soeur, de vos soupçons. Et quand vous lui peindrez un si charmant empire, nous savons toutes deux ce qu'il faut taire ou dire. Et n'avons pas besoin sur ce point de leçons. Vous êtes seul. Et je puis vous redire, sans avoir pour témoin vous importer une seule, ce que des yeux si beaux ont pris sur moi d'empire. Et quel excès ont les douceurs qu'une sincère ardeur inspire sitôt qu'elle assemble deux cœurs. Je puis vous expliquer de mon âme ravie les amoureux empressements, et vous jurer qu'à vous seul asservie, elle n'a pour objet de ses ravissements que de voir cette ardeur de même ardeur suivie, de concevoir plus d'autre envie que de régler mes vœux sur vos désirs. Et de ce qui vous plaît, faire tous mes plaisirs. Mais d'où vient qu'un triste nuage semble fusquer l'éclat de ces beaux yeux? Vous manque-t-il quelque chose en ces lieux? Des vœux qu'on vous y rend, dédaignez-vous le mal? Non, Seigneur. Qu'est-ce donc? Et d'où vient mon malheur? J'entends moins de soupirs d'amour que de douleur. Je vois de votre teint les roses amorties marquer un des plaisirs secrets. Vos sœurs à peine sont parties que vous soupirez de regret. Oh, psyché de deux cœurs, quand l'ardeur est la même, ont-ils des soupirs différents? Et quand on aime bien, qu'on voit ce qu'on aime, peut-on songer à les parents? Ce n'est point là ce qui m'afflige. Est-ce l'absence d'un rival et d'un rival aimé qui fait qu'on me néglige? Dans un cœur tout à vous que vous pénétrez mal. Je vous aime, Seigneur. Et mon amour s'irrite de l'indigne soupçon que vous avez formé. Vous ne connaissez pas quel est votre mérite si vous craignez de n'être pas aimé. Je vous aime. Et depuis que j'ai vu la lumière, je me suis montrée assez fière pour dédaigner les vœux de plus d'un roi. Et s'il vous faut ouvrir mon âme tout entière, je n'ai trouvé que vous qui fût digne de moi. Cependant, j'ai quelque tristesse qu'en vain je voudrais vous cacher. Un noir chagrin se mêle à toute ma tendresse dont je ne la puis détacher. Ne m'en demandez point la cause. Peut-être, m'en sachant, voudrez-vous m'en punir. Et si j'ose aspirer encore à quelque chose, je suis sûre du moins de ne point l'obtenir. Et ne craignez-vous point qu'à mon tour je m'irrite que vous connaissiez mal quel est votre mérite? Vous feignez de ne pas savoir quel est sur moi votre absolu pouvoir. Ah, si vous en doutez, soyez désabusés, parlez. J'aurai l'affront de me voir refuser. Prenez en ma faveur de meilleurs sentiments, l'expérience en est aisée, parlez. Tout se tient prêt à vos commandements. Si pour m'en croire il vous faut des serments, j'en jure vos beaux yeux, ces maîtres de mon âme, ces divins auteurs de ma flamme. Ou si ce n'est assez d'en jurer vos beaux yeux, j'en jure par le Styx comme jurent les dieux. J'ose craindre un peu moins après cette assurance. Seigneur, je vois ici la pompe et l'abondance. Je vous adore et vous m'aimez. Mon cœur en est ravi, mes sens en sont charmés. Mais parmi ce bonheur suprême, j'ai le malheur de ne savoir qui j'aime. Dissipez cet aveuglement et faites-moi connaître un si parfait amant. Psyché, que venez-vous de dire? Que c'est le bonheur où j'aspire. Et si vous ne me l'accordez? Je l'ai juré, je n'en suis plus le maître. Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Laissez-moi mon secret. Si je me fais connaître, je vous perds et vous me perdez. Le seul remède est de vous en dédire. C'est là sur vous, mon souverain empire. Vous pouvez tout et je suis tout à vous. Mais si nos feux vous semblent doux, ne mettez point d'obstacle à leur charmante suite. Ne me forcez point à la fuite. C'est le moindre malheur qui nous puisse arriver d'un souhait qui vous a séduit. Seigneur, vous voulez m'éprouver. Mais je sais ce que j'en dois croire. De grâce, apprenez-moi tout l'excès de ma gloire. Et ne me cachez plus pour quel illustre choix j'ai rejeté les vœux de tant de rois. Le voulez-vous? Souffrez que je vous en conjure. Si vous saviez, Psyché, la cruelle aventure que par là vous vous êtes tirée. Seigneur, vous me désespérez. Pensez-y bien, je puis encore me taire. Faites-vous des serments pour les points satisfaits. Eh bien, je suis le dieu le plus puissant des dieux. Absolu sur la terre. Absolu dans les cieux. Dans les eaux, dans les airs, mon pouvoir est suprême. En un mot, je suis l'amour même qui de mes propres traits m'était blessé pour vous. Et sans la violence, hélas, que vous me faites, et qui vient de changer mon amour en courroux, vous m'alliez avoir pour époux. Vos volontés sont satisfaites. Vous avez su qui vous aimiez. Vous connaissez l'amant que vous charmiez. Psyché, voyez où vous en êtes. Vous me forcez vous-même à vous quitter. Vous me forcez vous-même à vous ôter tous les faits de votre victoire. Peut-être vos beaux yeux ne me reverront plus. Ce palais, ces jardins avec moi disparus vont faire évanouir votre naissante gloire. Vous n'avez pas voulu m'en croire. Et pour tout fruit de ce doute éclairci, le destin sous qui le ciel tremble, plus fort que mon amour, que tous les dieux ensemble, vous va montrer sa haine et me chasse d'ici. L'amour disparaît, et dans l'instant qu'il s'envole, le superbe jardin s'évanouit. Psyché demeure seule au milieu d'une vaste campagne, sur le bord sauvage d'un grand fleuve. Alors, le dieu du fleuve part. Qu'avez-vous fait, affreuse solitude de toute ma félicité? J'aimais un dieu, j'en étais adorée, mon bonheur redoublait de moment en moment. Et je me vois seule, éplorée, au milieu d'un désert, où pour accablement et confuse et désespérée, je sens croître l'amour quand j'ai perdu l'amant. Le souvenir m'encharme et m'empoisonne. Sa douceur tyrannise un cœur infortuné qu'au plus cuisant chagrin ma flamme a condamné. Oh ciel, quand l'amour m'abandonne, pourquoi me laisse-t-il l'amour qu'il m'a donné? Source de tous les biens, inépuisable et pur, maître des hommes et des dieux, cher auteur des maux que j'endure, êtes-vous pour jamais disparu de mes yeux? Je vous en ai banni moi-même. Dans un excès d'amour, dans un bonheur extrême d'un indigne soupçon, mon cœur s'est alarmé. Cœur ingrat, tu n'avais qu'un feu mal allumé, et l'on ne peut vouloir du moment que l'on aime que ce que veut l'objet aimé. Mourons. C'est le parti qui seul me reste à suivre après la perte que je fais. Pour qui, grand Dieu, voudrais-je vivre? Et pour qui former des souhaits? Qui les eaux baignent ce triste sable, ensevelis mon crime dans tes flots. Et pour finir des mots si déplorables, laisse-moi dans ton lit assurer mon repos. Ton trépas souillerait mes ondes, Psyché. Le ciel te le défend. Et peut-être qu'après des douleurs si profondes, un autre sort t'attend. Fuis plutôt de Vénus l'implacable colère. Je la vois qui te cherche et qui te veut punir. L'amour du fils a fait la haine de la mère. Fuis, je saurai la retenir. J'attends ces fureurs vengeresses. Qu'auront-elles pour moi qui ne me soit trop doux? Qui cherche le trépas ne craint Dieu ni déesse et peut braver tout leur courroux? Orgueilleuse Psyché, vous m'osez donc attendre après m'avoir sur terre enlevé mes honneurs. Après que vos traits suborneurs ont reçu les encens qu'aux miens seuls on doit rendre. J'ai vu mes temples désertés. J'ai vu tous les mortels, séduits par vos beautés, idolâtrer en vous la beauté souveraine, vous offrir des respects jusqu'alors inconnus et ne se mettre pas en peine s'il était une autre Vénus. Et je vous vois encore l'audace de n'en pas redouter les justes châtiments et de me regarder en face. Comme si c'était peu que mes ressentiments. Si de quelque mortel on m'a vu adorer, est-ce un crime pour moi d'avoir eu des appâts dans leur âme inconsidérée, laissé charmer des yeux qui ne vous voyaient pas? Je suis ce que le ciel m'a faite. Je n'ai que les beautés qu'il m'a voulu prêter. Si les vœux qu'on m'offrait vous ont mal satisfaites, pour forcer tous les cœurs à vous les reporter, vous n'aviez qu'à vous présenter. Qu'à ne leur cacher plus cette beauté parfaite, qui, pour les rendre à leur devoir, pour se faire adorer, n'a qu'à se faire voir. Il fallait vous en mieux défendre. Ces respects, ces encens se devaient refuser. Et pour les mieux désabuser, il fallait à leurs yeux vous-même me les rendre. Vous avez aimé cette erreur, pour qui vous ne deviez avoir que de l'horreur. Vous avez bien fait plus. Votre humeur arrogante sur le mépris de 1000 rois jusque aux cieux a porté de son choix l'ambition extravagante. J'aurais porté mon choix des haies jusqu'aux cieux. Votre insolence est sans seconde. Dédaigner tous les rois du monde, n'est-ce pas aspirer aux dieux? Si l'amour pour eux tous m'avait endurci l'âme et me réservait tout à lui, en puis-je être coupable? Et faut-il qu'aujourd'hui, pour prix d'une si belle flamme, vous vouliez m'accabler d'un éternel ennui? Psyché, vous deviez mieux connaître qui vous étiez et quel était ce Dieu. Et m'en a-t-il donné ni le temps ni le lieu, lui qui de tout mon cœur d'abord s'est rendu maître? Tout votre cœur s'en est laissé charmer, vous l'avez aimé dès qu'il vous a dit « j'aime ». Pouvais-je n'aimer pas le Dieu qui fait aimer, qui me parlait pour lui-même? C'est votre fils, vous savez son pouvoir, vous en connaissez le mérite. Oui, c'est mon fils. Mais un fils qui m'irrite, Un fils qui me rend mal ce qu'il sait me devoir. Un fils qui fait qu'on m'abandonne. Et qui, pour mieux flatter ses indignes amours, depuis que vous l'aimez, ne blesse plus personne qui vienne à mes hôtels implorer mon secours. Vous m'en avez fait un rebelle. On m'enverra venger, et hautement, sur vous. Et je vous apprendrai s'il faut qu'une mortelle souffre qu'un dieu soupire à ses genoux. Suivez-moi. Vous verrez par votre expérience à quelle folle confiance vous portez cette ambition. Venez. Et préparez autant de patience qu'on vous voit de présomption. La scène représente maintenant les enfers. Huit furies sortent des flammes et forment une entrée de balai où elles se réjouissent de la rage qu'elles ont allumée dans l'âme de la plus douce des divinités. Un lutin mêle quantité de sauts périlleux à leur danse. Psyché, qui a passé aux enfers par le commandement de Vénus, est allé chercher pour la déesse une boîte de beauté que lui a remise Proserpine. Elle rencontre les deux preux chevaliers, Agénor et Cléomène, morts d'amour pour elle. Et par eux, elle apprend que ses deux sœurs, punies par le dieu amour, souffrent aux lieux infernaux mille tourments. La douce Psyché ne sait que les plaindre, et plaindre ses malheureux amants. Pauvres amants, leur amour dure encore. Tous morts qu'ils sont, l'un et l'autre m'adore. Moi, dont la dureté reçut si mal leur vœu. Tu n'en fais pas ainsi, toi qui seul m'as ravi. Amant que j'aime encore 100 fois plus que ma vie et qui brise de si beaux nœuds. Ne me fuis plus, et souffre que j'espère que tu pourras un jour abaisser l'œil sur moi, qu'à force de souffrir, j'aurai de quoi te plaire, de quoi me regagner ta foi. Mais ce que j'ai souffert m'a trop défiguré pour rappeler un tel espoir. L'œil abattu, triste, désespéré, languissante et décolorée, de quoi puis-je me prévaloir? Si par quelque miracle impossible à prévoir, ma beauté qui t'a plu ne se voit réparée. Psyché regarde la boîte de beauté qu'elle doit porter à Vénus. Je porte ici de quoi la réparer. Ce trésor de beauté divine qu'en mes mains pour Vénus a remis Proserpine enferme des appâts dont je puis m'emparer. Et l'éclat doit être extrême. Puisque Vénus, la beauté même, les demande pour se parer. En dérober un peu, serait-ce un si grand crime? Pour plaire aux yeux d'un dieu qui s'est fait mon amant, pour regagner son cœur et finir mon tourment, tout n'est-il pas trop légitime? Ouvrons. Quelle vapeur m'offusque le cerveau, et que vois-je sortir de cette boîte ouverte? Amour, si ta pitié me s'oppose à ma perte, pour ne revivre plus, je descends au tombeau. Thank you. Psyché s'est évanouie et l'amour descend auprès d'elle. Votre péril, Psyché, dissipe ma colère. Ou plutôt, de mes feux, l'ardeur n'a point cessé. Et bien qu'au dernier point vous m'ayez su déplaire, je ne me suis intéressé que contre celle de ma mère. J'ai vu tous vos travaux, j'ai suivi vos malheurs. Mes soupirs ont partout accompagné vos pleurs. Tournez les yeux vers moi, je suis encore le même. Quoi, je dis et redis tout haut que je vous aime et vous ne dites point, Psyché, que vous m'aimez? Est-ce que pour jamais vos beaux yeux sont fermés? Qu'à jamais la clarté leur vient d'être ravie? Oh mort, devais-tu prendre un dard si criminel? Et sans aucun respect pour mon être éternel à tenter à ma propre vie. Combien de fois, ingrate déité, ai-je grossi ton noir empire par les mépris et la cruauté d'une orgueilleuse ou farouche beauté? Combien même, s'il le faut dire, t'ai-je immolé de fidèles amants à force de ravissement? Va, je ne blesserai plus d'âme. Je ne percerai plus de cœur qu'avec des dards trempés aux divines liqueurs qui nourrissent du ciel les immortelles flammes. Et n'en lancerai plus que pour faire à tes yeux autant d'amants, autant de dieux. Et vous, impitoyable mère qui l'a forcé à m'arracher tout ce que j'avais de plus cher, craignez à votre tour l'effet de ma colère. Vous me voulez faire la loi, vous qu'on voit si souvent la recevoir de moi. Vous qui portez un cœur sensible comme un autre, vous enviez au mien les délices du vôtre. Mais dans ce même cœur, j'enfoncerai des coups qui ne seront suivis que de chagrins jaloux. Je vous accablerai de honteuses surprises et choisirai partout à vos vœux les plus doux des Adonis et des Anguilles qui n'auront que haine pour vous. La menace est respectueuse. Et d'un enfant qui fait le révolter la colère présomptueuse. Je ne suis plus enfant. C'est drôle d'avoir été. Et ma colère est juste autant qu'impétueuse. L'impétuosité s'en devrait retenir. Et vous pourriez vous souvenir que vous me devez la naissance. Et vous pourriez n'oublier pas que vous avez un cœur et des appâts qui relèvent de ma puissance. Que mon arc de la vôtre est l'unique soutien. Que sans maîtresse, elle n'est rien. Et que si les cœurs les plus braves en triomphe par vous se sont laissés traîner, vous n'avez jamais fait d'esclave que ceux qu'il m'a plu d'enchaîner. Ne me vantez donc plus ces droits de la naissance qui tyrannisent mes désirs. Et si vous ne voulez perdre mille soupirs, songez en me voyant la reconnaissance. Vous, qui tenez de ma puissance et votre gloire et vos plaisirs. Comment l'avez-vous défendue, cette gloire dont vous parlez? Comment me l'avez-vous rendue? Et quand vous avez vu mes autels désolés, mes temples violés, mes honneurs ravalés, si vous avez pris part à tant d'ignominie, comment en a-t-on vu puni Psyché qui me les a volés? Je vous ai commandé de la rendre charmée du plus vil de tous les mortels, qui ne daigna répondre à son âme enflammée que par des rebus éternels, par les mépris les plus cruels, et vous-même l'avez aimée. Vous avez contre moi séduit des immortels. C'est pour vous qu'à mes yeux les Zéphyrs l'ont caché, qu'Apollon même, suborné par un oracle adroitement tourné, me l'avait si bien arraché que si sa curiosité, par une aveugle défiance, ne l'eût rendue à ma vengeance, elle échappait à mon cœur irrité. Voyez l'état où votre amour l'a mise, votre Psyché. Son âme va partir, voyez. Et si la vôtre en est encore éprise, recevez son dernier soupir. Menacez, bravez-moi, cependant qu'elle expire, tant d'insolence vous sied bien. Et je dois endurer quoi qu'il vous plaise dire, moi qui sans vos traits ne puis rien. Vous ne pouvez que trôner, est-ce impitoyable? Le destin l'abandonne à tout votre courroux. Mais soyez moins inexorable aux prières, aux pleurs d'un fils à vos genoux. Ce doit vous être un spectacle assez doux de voir d'un œil Psyché mourante, et de l'autre ce fils d'une voix suppliante ne vouloir plus tenir son bonheur que de vous. Rendez-moi ma Psyché, rendez-lui tous ses charmes. Rendez-la, déesse, à mes larmes. Rendez à mon amour, rendez à ma douleur le charme de mes yeux et le choix de mon cœur. Quelque amour que Psyché vous donne de ses malheurs, par moi n'attendez pas la fin. Si le destin me l'abandonne, je l'abandonne à son destin. Ne m'importunez plus. Et dans cette infortune, laissez-la sans Vénus triompher ou périr. Hélas, Hélas. Si je vous importune, je ne le ferais pas si je pouvais mourir. Cette douleur n'est pas commune qui force un immortel à souhaiter la mort. Ne voyez par son excès si mon amour est fort. Ne lui ferez-vous grâce aucune. Je vous l'avoue, il me touche le cœur, votre amour. Il désarme, il fléchit ma rigueur. Votre psyché reverra la lumière. Que je vous vais partout faire donner dans sang. Oui, vous la reverrez dans sa beauté première. Mais de vos vœux reconnaissants, je veux la déférence entière. Je veux qu'un vrai respect laisse à mon amitié vous choisir une autre moitié. Et moi, je ne veux plus de grâce. Je reprends toute mon audace. Je veux Psyché. Je veux sa foi. Je veux qu'elle revive et revive pour moi. Et tiens, indifférent que votre haine lasse en faveur d'une autre se passe. Jupiter qui paraît va juger entre nous de mes emportements et de votre courroux. Vous, à qui seul tout est possible, père des dieux, souverain des mortels. Fléchissez la rigueur d'une mère inflexible qui sans moi n'aurait point d'autel. J'ai pleuré, j'ai prié, je soupire, menace, et père menace et soupire. Elle ne veut pas voir que de mes déplaisirs dépend du monde entier l'heureuse ou triste face. Et que si Psyché perd le jour, si Psyché n'est à moi, je ne suis plus l'amour. Oui, je romprai mon arc, je briserai mes flèches, j'éteindrai jusqu'à mon flambeau, je laisserai languir la nature au tombeau. Ou si je daigne au cœur faire encore quelques brèches avec ces pointes d'or qui me font obéir, je vous blesserai tous là-haut pour des mortels et ne décocherai sur elles que des traits émoussés qui forcent à haïr et qui ne font que des rebelles, des ingrates et des cruels. Par quel tyrannique loi tiendrai-je à vous servir mes armes toujours prêtes et vous ferai-je à tous conquête sur conquête si vous me défendez d'en faire une pour moi? Tu tiens de sa psyché le destin en tes mains. La parque au moindre mot va suivre ta colère. Va, et laisse-toi vaincre aux tendresses de mère, ou redoute un courroux que moi-même je crains. Veux-tu donner le monde en proie à la haine, au désordre, à la confusion, et d'un dieu d'union, d'un dieu de douceur et de joie, faire un dieu d'amertume et de division? Considère ce que nous sommes. Et si les passions doivent nous dominer, plus la vengeance a de quoi plaire aux hommes, plus il sied bien aux dieux de pardonner. Je pardonne à ce fils rebelle. Mais voulez-vous qu'il me soit reproché qu'une misérable mortelle, l'objet de mon courroux, l'orgueilleuse psyché, sous ombre qu'elle est un peu belle, par un hymen dont je rougis, souille mon alliance et le lit de mon fils. Eh bien, je la fais immortelle, afin d'y rendre tout égal. Je n'ai plus de mépris ni de haine pour elle, et l'admets à l'honneur de ce nœud conjugal. Deux divinités s'approchent de Psyché et la rappellent à la vie. Psyché, reprenez la lumière pour ne la reperdre jamais. Jupiter a fait votre paix et je quitte cette humeur fière qui s'opposait à vos souhaits. C'est donc vous, ô grande déesse, qui redonnez la vie à ce cœur innocent. Jupiter vous fait grâce et ma colère cesse. Vivez, Vénus l'ordonne. Aimez, elle y consent. Je vous retrouve enfin, cher objet de ma flamme. Je vous possède enfin, délice de mon âme. Venez, amant. Venez aux cieux achever un si grand et si digne hyménée. Viens-y, belle Psyché, changée de destinée. Viens prendre place au rang des dieux. Les divinités qui avaient été partagées entre Vénus et son fils se réunissent en les voyant d'accord. Et toutes ensemble, par des concerts et des danses, célèbrent la fête des noces de l'amour.